fini ma vodka. Je l'ai laissé dans le carré. J'ai pas géré ma petite négro, je l'ai laissé dans le carré. Ce soir qui va tout casser, toi t'es le plus gros des tarés. Tu fais pas le poids gros, te carré, tu guettes comme si t'étais. Dégage, dégage, dégage, twerk ça, twerk ça, twerk ça, dégage. Your tracks today. Ah, ressors ma barbe. Calme. C'est moi que tu vois partout. Je suis sapé, j'ai mes bijoux. C'est moi, je fais bouger la foule. Ta gomine est pas loin, doit bouger son boule. T'as l'addition, ça va remettre tout. Belvédère m'a tué Grégoire. Je suis pété, je suis les ouais, je suis fou. Ce soir qu'à la plume et sous. On m'appelle Tony Kay, mes jaloux sont des flacons. Veulent du bas sur mon dos, je les fuck. Ils envient le moga, je suis puissant, c'est faux gars. Allez, dégage d'ici, t'es pas pégant. Numéro 1 dans le club. DJ Kenny dans le club. Ce soir y'a pas de tabou. Pas de timide, on pète la forme. Et tout le monde, on s'abaisse. On s'abaisse. Tout le monde, on s'abaisse. On s'abaisse. Les filles, sensuellement. Sensuellement. Les filles, sensuellement. Et sensuellement. Dégage, dégage, dégage. Tu fous le cafard comme Oggy, Oggy. Kenny, Tony K, hey. On va tout niquer, hey. Elles sont comme un tourniquet. Elle veut me gérer, hey. Compliqué. On s'abaisse, on s'abaisse. Tout le monde, on s'abaisse. On s'abaisse. Les filles, sensuellement. Sensuellement. Les filles, sensuellement. Oh, dégage.